un mûrier bleu dans un jardin blanc qui avait dégrafé ton corsage. Instant de toi et instant de moi et nos cœurs en voyage. Le mûrier bleu dans le jardin blanc essayait d'accrocher les nuages. Moi près de toi, ma toute belle enfant, je n'étais pas très sage. C'était un temps de ramasseur, de ciel, de chasseur, d'amour et de notes de musique. Un mûrier bleu dans un jardin blanc qui avait dégrafé ton corsage. Un mûrier bleu dans un jardin blanc. C'était un ciel de musique, de temps, de nuit, de zigane, de vers luisant, d'arôme. Un mûrier bleu dans un jardin blanc. Dégrafé ton corsage.